Ouais, ah, d'accord, on est. Je vais commencer un. Hein. We'll be right back. Parce que j'étais perdu, je suis paumé là. Bah t'arrives pas à tomber sur le 1 moi. Mike. Pourquoi je tombe pas sur le 1 après? 1, 2, 3, 4. We're Liga. j'ai une chanson. Éteins-moi, je t'en prie. Éteins-moi, je t'en prie, ta basse, elle est pourrie. Éteins-moi, je t'en prie, tu vois bien, ça fait du bruit. Un bassiste qui jouait sans basse. Il avait oublié d'éteindre son ampli. Et là tu vois mec, c'est pas cool. Alors éteins ton ampli.